Bonjour et bienvenue sur Radio Gamozo pour un nouveau numéro de questions délirantes et drôles d'expressions. Je continue de décrypter avec vous les expressions qu'on utilise et les questions pas très existentielles avec humour. Je commence tout de suite avec une expression. Perdre son sang-froid, perdre la maîtrise de soi, se troubler. Le sang représente souvent le tempérament. Le caractère d'une personne de sang-froid s'oppose à celle qui a le sang chaud. On peut se faire un sang d'encre si on est inquiet ou avoir du sang de navet si on est un lâche. Accomplir quelque chose de sang-froid, c'est le faire sans céder à l'émotion, en gardant sa présence d'esprit. Je cite « C'est au sang-froid à tempérer le délire de l'enthousiasme. Ce n'est pas l'homme violent qui est hors de lui-même qui dispose de nous. C'est un avantage réservé à l'homme qui se possède. » Denis Diderot, tiré du livre « Paradoxe sur le comédien » chez Gallimard 1954. La capacité à réfléchir calmement dans des situations chaotiques est une qualité fondamentale dans les services de sécurité d'urgence et de secours. Malheureusement, le sang-froid n'a pas l'apanage des seuls gens honnêtes. Dans le domaine de la criminologie, le sang-froid est caractéristique de la préméditation d'un froid de calcul. Ce sang-froid-là est un élément d'une forme de folie particulière. La paranoïa et souvent la folie se manifestent par un comportement extravagant et agité. Le diagnostic semble alors évident, même pour ceux qui sont pas psychiatres. En revanche, une personne qui souffre d'une psychose paranoïaque est calme et se conduit bien. L'entourage ne soupçonne rien, le délire paranoïaque ne perturbe pas à son raisonnement qui est rigoureux. La folie ne se relève que lors d'un drame, le plus rarement dans un livre comme dans le cas exceptionnellement du président Schreiber. De 1884 à 1893, Daniel Paul Schreiber, président de cour d'appel de Saxe, puis de Dresde, victime de surménage. Il fut hospitalisé, puis suspendu de ses fonctions et mis sous tutelle. Il contesta ces mesures et attenta un procès à ceux qui l'avaient interné. En 1900, il a gagné son procès et sorti libre de l'asile aliéné. Il publia alors des mémoires d'un névropathe, livre dans lequel il expose en détail les éléments de son délire. Ce livre, étudié depuis par de nombreux psychiatres et psychanalystes, justifie a priori les mesures prises à son égard qu'il avait contestées. Daniel Paul Schreiber avait pourtant été un haut magistrat durant plusieurs années. Ça donne froid dans le dos. Voici la question du jour. Peut-on nommer un enfant comme on le souhaite? Pas vraiment. Même s'il n'existe aucune autorité en France uniquement dédiée à la validation des prénoms, certains peuvent être interdites. En réalité, lorsqu'on donne le nom de l'enfant à l'officier de l'état civil, il a le droit d'en référer au procureur de la République, s'il juge que le prénom est potentiellement nuisible pour l'enfant. Même si le prénom n'a pas en alphabet latin par exemple. À partir de là, le procureur peut faire appel à un juge des affaires familiales et appliquer des sanctions, en allant à l'interdiction d'appeler l'enfant comme voulu jusqu'à au retrait de la garde de l'enfant. Cette dernière sanction rarissime a été utilisée par exemple contre des parents qui voulaient appeler leur enfant, écoutez bien, Adolf Hitler. Cela dit, le système est plutôt souple en France, se trouvant des petits Jay-Z, Rihanna ou encore Kalizi. Vous avez un peu carte blanche, mais faut pas abuser non plus. Il s'agit d'un prénom d'un enfant, pas d'un réseau Wi-Fi. Alors passons à la question bonus maintenant, si vous le voulez bien. Quel est l'objet le plus vendu au monde? Le jean Levi's, évidemment, cumule 4 milliards de ventes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour continuer à apprendre des choses dans la bonne humeur. Salut !